Mais et Guillaume Auguin, c'est encore plus tout de suite. Donc au moins accessible. Inaccessible. Ça va les amigos? Ouais. Oh, ça fait longtemps. Ouais. Oh, ça fait longtemps. Oh. Ouais, désolé, j'ai aidé Frédéric Becbédé avec les derniers détails de son bouquin. C'est moi qui ai trouvé le personnage de Naïma Pompadour Bouali. Et j'ai ri d'une grande marque de poppers. J'ai dit à Frédéric, avec ce nom-là, tu vas brouiller les pistes. Ils sauront jamais que tu parles de France Inter. Merci. Comment vous allez? Ça fait plaisir de vous retrouver, sauf un. Pendant un mois et demi. J'ai pas fait une seule chronique pendant un mois et demi. J'avais envie de créer de la rareté. Oh, c'était bien. La technique Johnny. Regardez Johnny, il se montre vachement moins dans les médias en ce moment. Hop, résultat, il vend album sur album. Et voilà, c'est ce qui me dit mon nouveau conseiller communication. Il m'a dit, Ernesto, fils du batracien, tu sais que si tu meurs d'un décès, tu fais plus 30 000 vues sur YouTube. J'ai dit, bah meurs toi d'abord, Jacques Séguéla. Eh bien, et ça m'a fait du bien ce congé forcé. Je crois que quelque part, j'avais envie de lire tous ces messages. T'es où Ernesto? Pourquoi tu ne fais plus de chronique? J'avais franchement besoin de ça. Après, ces messages n'ont jamais été écrits. En tout cas pas par des autres gens. J'ai dû créer un faux compte moi-même pour m'envoyer « Ah, tu nous manques ?» Chaque fois, je devais changer d'identifiant, tu vois, pour faire « Ah bon, c'est vrai ?» Vraiment, puis là, hop, déconnexion, reconnexion. Oui, absolument, l'émission n'a pas la même saveur sans toi, déconnexion, reconnexion. Oh, mais ça me touche énormément, Nagui, t'es comme un père pour moi, déconnexion, reconnexion. Plus de réponse. Du coup, je suis resté en Belgique pendant un mois et demi, figurez-vous. C'est la première fois que je reviens en France. Oui. Et j'arrive Gare du Nord, je vois tout le monde un peu agité, je fais « Qu'est-ce qui se passe ?» Apparemment, vous avez une grève ou un truc comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Vous êtes tout le temps en grève dans ce pays. D'abord, l'équipe de France dans un bus en Afrique du Sud. Maintenant, ça. Voilà. Il y a des gens qui me disent, la justice sociale. La justice sociale en matière de retraite, c'est un beau combat. Ah ouais? Et insulter la maman Raymond Domenech, c'était un beau combat peut-être. Quel foutoir. Donc, j'ai essayé de prendre le métro Gare du Nord, mais je me suis fait sortir après une station. Bah ouais, j'ai voulu me déshabiller. Moi, je disais aux gens, bah si c'est pour être aussi proche les uns des autres, viens en peine alors, hein, tant qu'à faire. On fait des gosses, ça payera les retraites après. Hein. Sérieux, il y avait des frotteurs qui se sentaient un peu mal à l'aise. Quoi. Ah, clairement, oui. Ils ont en une station, je crois que j'avais l'ADN d'au moins 100 personnes sur moi. Je me suis dit, ah bah super, sur moi. Je me suis dit, si on m'assassine, on retrouvera jamais le coupable. Et du coup, je suis venu à pied depuis la gare de l'Est. Et bien franchement, ça va, avec un petit podcast, j'ai mis l'intégrale des chiffres et des lettres, 43 saisons. Je suis arrivé ici, je ressemble à Gérard Darmon. Et qu'est-ce que j'apprends? Apparemment, il y a des grèves aussi à Radio France. Mais qui travaille dans ce pays? En continuant avec cette mentalité, vous n'aurez jamais votre propre fusée. Hein. Vraiment, je vous le dis. Et en vrai, en Belgique, on a des nouvelles par contre de la grève des transports. Chez nous, la plupart des JT s'ouvrent comme ça. France, on n'a peut-être pas d'étoiles sur le maillot, mais on a des métros qui roulent. Pop, pop, pop, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, en revanche, la grève à la maison de la radio, comment vous dire? En fait, même ici, tout le monde s'en bat les steaks, apparemment. Franchement, pour avoir des infos, j'ai dû aller sur le Skyblog d'Arlette Laguier, vraiment, et regarder les commentaires de Frédéric Sigrist, hein, qui est le seul membre de cette équipe dont on dira qu'il est encore un peu de gauche, hein, vraiment. Quoi? On est la seule émission de cette chaîne ouvertement de droite. Je dois vous rappeler qu'il va venir maltraiter l'info à midi 10, hein, oui, Guy Baudos peut-être, non, hein. Et quelque part, si j'ai été absent si longtemps, c'est parce que je voulais être solidaire des employés de Radio France. Mais je sais pas vous le dire, j'avais peur des représailles. Jamais, déjà vous me respectez pas à la base. Bon, on garde une petite pensée solidaire pour eux quand même qui luttent encore. Et moi, je vais aller retenter le coup dans le métro. Allez, bonne émission, les amis. Wow, wow. France Inter, Nagui, la bande originale.